Avec Valérie, j'ai pas réussi. Mais alors avec Clara, c'est sûr ça croit. Oh, ça rime, t'as vu? Clara, je suis Morgane de toi. Que je n'avais pas le droit de regarder. J'ai pu voir tes parties intimes. Et cela avant même de te parler. J'ai appris les ailes par cœur dans le but de pouvoir te charmer. Mais avec les autres filles, ça n'a jamais marché. Oh non. Mais je ne te tape pas rigueur. J'attends juste de te rencontrer pour peut-être entendre crier. Oh oui, tu fais. Claude, je suis Morgane de toi. Sur Canal Plus, j'avais mes deux mains sous les draps de te voir excité comme une puce. T'approcher, je n'y pensais pas, ça aurait été que du bonus. Parfois même en pensant à toi, je me la secouais tout seul dans le bus. J'ai acheté ton calendrier, yeah, yeah. Et c'est là que je l'ai déplié, yeah, yeah. J'ai adoré le mois de février, yeah. T'es aussi belle nue que habillée. Aime-moi, ne vois pas ma vie sans toi.